Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Nio, bonsoir Alcatou. Salut. Bonsoir Nelson, bonsoir Catou. Voilà, alors ce soir une émission un peu spéciale vu qu'on va parler essentiellement de notre ami David Bowie en tant qu'acteur. Là on en est quoi, ça fait 4 ans qu'il est décédé, c'est ça? Hélas, malheureusement. Malheureusement, décédé en 2016. Voilà, donc du coup on va parler de la carrière de David Bowie au cinéma. Carrière s'il en est... très prolifique. Ouais, prolifique, merci. Avec divers hommages et un biopic dans les fourneaux, 2020 s'annonce un peu comme une année Bowie. Un biopic donc non autorisé et sans les musiques originales. On pourra y retrouver Johnny Flynn, lui aussi acteur et musicien, dans le rôle de Bowie, Jenna Malone dans le rôle d'Angie Bowie et Marc Maron, vu ces derniers temps dans Glow et rapidement dans Joker. Ce biopic a pour but de retracer la création du personnage de Ziggy Stardust. Pour un chanteur qui avait pour volonté de créer un nouveau personnage à chacun de ses albums, le cinéma semblait comme naturel. En réalité, il étudia le théâtre et l'art du mime auprès de Lindsay Kemp, qu'il rencontra à 19 ans. Kemp, qui avait étudié le mime auprès du mime Marceau, incarne pour Bowie l'idée qu'il se faisait de la vie de bohème. Ils entretiendront une relation amoureuse pendant un temps, puis amicale et professionnelle. À leur rencontre, Lindsay lui proposa son premier rôle dans une pièce, Pierrot in Turquoise, et David en écrira et interpréta même la musique. Kemp clamera haut et fort qu'il a été une énorme influence dans la vie artistique de Bowie, et celui-ci fera d'ailleurs appel à lui pour monter Ziggy Stardust sur scène en 1972, personnage que Kemp lui inspira en lui faisant découvrir le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. A noter que sur la fiche IMDb de Stardust, le fameux biopic, ne figure apparemment aucun acteur jouant Lindsay Kemp. Outre Bowie, il influencera également Kate Bush, qui lui dédiera la chanson Moving. En 1977, dans une interview avec Michel Drucker, Bowie déclarait vouloir faire 5 films avec 5 réalisateurs différents afin de pouvoir devenir lui-même réalisateur par la suite. Excepté un peu de théâtre et une ou deux apparitions pas toujours créditées dans ses débuts, il n'avait alors joué que dans L'homme qui venait d'ailleurs de Nicholas Roeg. Il faut croire qu'il a abandonné l'idée d'avoir un plan de carrière aussi défini. Avant d'aborder certains films spécifiques entre nous, notons que Bowie a eu son lot de films dignes de DTV, Man Slam, Mr. Right Secret, Busted, Will Me West. Deux rôles ou participations façon « J'ai plus rien à prouver, je suis David Bowie, bordel !» Bob l'éponge, Arthur et les Minimoys, Zoolander, August ou Twin Peaks Firewalk With Me. Et certains films montrent que le cinéma était pour lui un vecteur pour s'épanouir ou travailler sur lui-même. Absolute Beginners de Julian Temple en 86. Le film dans lequel on peut retrouver Patsy Kensit dans le premier rôle se passe dans les années 50 et aborde différents problèmes de société inhérents à cette époque. David Bowie est à la fois chanteur et acteur. Et il est à noter qu'il n'est pas le seul musicien au casting de ce film, puisque figure aussi Sade et Ray Davies des Kinks. En réalité, lorsque Julian Temple lui propose un rôle, David vit alors une période douloureuse puisqu'il vient de vivre le suicide de son demi-frère. Temple l'encouragera à y participer pour oublier sa douleur. La chanson-titre Absolute Beginners, interprétée par Bowie, sera un succès, mais le film sera un flop critique et financier qui contribuera à la chute de sa maison de production, Goldcrest. Labyrinthe de Jim Henson en 86. Réalisé par le papa des Muppets, Dark Crystal ou des Fraggle Rock, entre autres, sur une base scénaristique de Terry Jones et Monty Python, et coproduit par George Lucas, le film est inspiré par l'univers du dessinateur Brian Froude. Si le film a une histoire assez similaire avec Quand Papa était loin de Maurice Sendak, une jeune fille qui voit son petit frère se faire enlever par des goblins donc, le personnage de Jarrett, interprété par Bowie, trouve des références diverses, allant de Jane Eyre ou Léo de Hurlevent de Sir Bronte, à Marlon Brando ou un conte des frères Grimm, d'un point de vue vestimentaire, voire même vers le théâtre kabuki pour d'autres aspects. Bowie faillit se retirer du projet à cause du manque d'humour du scénario qu'il avait d'abord reçu, avant que l'on ne demande à Terry Jones de le revoir. Et s'il n'avait pas de suite été envisagé pour le rôle de Jarrett, c'est la volonté d'avoir un musicien qui apporte sa touche au projet qui changeait la donne. Les critiques ont été plutôt relativement bonnes, mais il fut un flop à sa sortie et contribuera en partie aux difficultés que Jim Henson connut dans sa carrière par la suite et se repliera sur lui-même jusqu'à sa mort en 1990. The Linguini Incident de Richard Shepard en 1991. Si le film n'est pas si mauvaisement noté, certains se demandent encore pourquoi Bowie figure au casting de cette comédie avec Rosanna Arquette. Dans une interview promotion de 1992, il déclara avoir refusé plusieurs rôles car on lui proposait toujours des rôles d'aliens ou de mecs torturés, mais que cela commençait à changer. Il n'est pas farfelu donc de penser que sa participation à un tel film résulte d'une envie d'interpréter un personnage plus ordinaire. Ici, celui d'un employé mécontent qui s'associe avec une autre pour voler leur patron. sans compter qu'il s'agissait d'un rôle romantique et pour l'anecdote, il rencontra sa future femme Iman. Bowie au cinéma, c'est aussi un gros pourvoyeur de bandes originales. Nombreux sont les films à s'imprégner de son esprit par l'utilisation de ses chansons. Coucou, La vie aquatique et ses reprises version musique brésilienne par Seu Jorge. Eu não vi o seu filme, não sou de jogar. Entre les films, les séries TV et jeux vidéo, il y en a des centaines et des centaines. Et puis il y a ceux où il est directement impliqué, parce qu'il a joué dedans. Je sais que Gigolo, pour lequel il composera avec Jack Fishman Revolutionary Song, qui sera joué par le groupe The Rebels. Labyrinthe, dont il composera donc la musique. Absolute Beginners, dans lequel il signera deux chansons. Ou Moi Christiane F, dont le concert à Berlin fait partie intégrante du scénario. Pour un artiste qui construisait régulièrement une nouvelle image, il a finalement réussi à en apporter une unique au cinéma. Le prestige. Londres, au début du siècle dernier. Deux magiciens surdoués se livrent une compétition amicale. Emportés par la jalousie, ils deviennent ennemis, jusqu'à vouloir se détruire l'un et l'autre, en entraînant leur entourage dans leur sillon. J'ai particulièrement apprécié la performance de Bowie en Nikola Tesla. Vraiment, là, tu sais, là, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait que, avec tous les personnages qu'il a développés, etc., tu vois la composition, tu vois que le mec, il a de la bouteille derrière, tu vois. Et comme je disais à Nio tout à l'heure, quand tu le vois faire une apparition en David Bowie dans Zoolander, bah, c'est le vrai David Bowie, ce mec un peu réservé, etc., tu vois. Et... même dans Twin Peaks, ouais. Il a beau jouer un rôle, et c'est lui, quoi, c'est pas quelqu'un d'autre, quoi. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que justement, toutes les compositions qu'il fait, c'est jamais une version nuancée de lui. C'est toujours un personnage, toujours une belle composition de personnage, c'est toujours un truc très travaillé, etc. Mais c'est le propre des bons acteurs, tu me diras. Ouais, et là, le personnage de Nikola Tesla dans Le Prestige, il est parfait, vraiment. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur, c'est vraiment ce truc-là, quoi. Donc du coup, voilà, qu'est-ce qu'on a pensé Bah, je suis complètement de ton avis. Et comme je disais de le dire off caméra, plus le temps passe, plus le prestige pour moi, parce que c'est un combat de magicien, mais pour moi, le vrai magicien qu'on a à l'écran, c'est Bowie. Et ça devient du coup un hommage, d'autant plus pertinent que Bowie, à ce moment-là, il met sa carrière aussi bien musicale que cinématographique en pause. Donc, on se demandait même pendant longtemps si on allait à nouveau revoir David Bowie au cinéma ou même si on allait avoir encore nouveau les disques de David Bowie. Donc, c'est vraiment le côté le magicien d'une image, parce que quand tu connais Tesla qui est un peu un des créateurs de l'électricité et d'autres trucs, etc. Voilà quoi. Non, je trouve que c'est le vrai magicien de l'histoire, quoi. Et c'est d'autant plus beau que ce n'est pas le personnage principal. Et c'est ça le propre parfois des magiciens, comme on le dit dans le film. Il y a plusieurs trucs, on dit que le prestige c'est le tour suprême. Et si ça s'appliquait pas non seulement aussi à Bowie, si c'était pas lui aussi le prestige, si on devait le métaphoriser à une personne humaine, ce serait lui quoi le tour ultime. Ouais, parce que voilà, même son histoire dans le film, il apparaît. Déjà son apparition elle est extraordinaire, on va vraiment dire, elle colle vraiment au truc. Et sa fin, je ne vais pas te spoiler mon cher Nelson, mais sa fin aussi, il apparaît comme un magicien, hop, comme si tu l'avais pas vu, il disparaît tout aussi vite quoi. C'est ça, et voilà quoi. Ce qui est intéressant dans le prestige, tout comme les autres gros films qu'on a cités, c'est qu'il y a un gros casting. Ouais. Donc les deux magiciens, il y a Scarlett Johansson, il y a cet acteur qui est devenu un acteur fétiche de Christopher Nolan, Christopher... Non. Il y a Christian Bale. Oui, mais ça c'est les deux acteurs titres, Bale et puis notre ami Wolverine, Jackman. Jackman, notre ami Wolverine, mais j'aime bien Wolverine. Et cet acteur qui est âgé, qui a rejoint un peu l'écurie de Nolan, puisqu'on le trouve dans beaucoup de films de Christopher Nolan, que je ne me rappelle plus le titre. Michael Caine. Bravo, Katou. La mise en scène de Nolan, déjà à l'arrivée de Bowie, etc., le truc avec les éclairs, etc. Ouais, ça par contre, ça fait son petit effet. Hein. Voilà, si tu veux, la mise en scène de Nolan et le personnage joué par Bowie, ça match tout de suite, tu vois. Il y a une espèce de, il y a cette espèce de comment dire, de Dora. Ouais, Dora. Autour du personnage de Bowie, et qui est là, mais qui apparaît, qui disparaît au fur et à mesure du film. Et ils en jouent de ça beaucoup, tu vois, mais le truc, vraiment, c'est un des personnages, moi, j'ai accroché tout de suite, et pourtant, moi, le précis, j'avais pas vu la chanson, tu vois. Ah oui. J'ai accroché tout de suite. Pour reprendre, rebondir sur ce que tu disais, mon cher Katou, c'est qu'effectivement, Nikola Tesla existait, mais ça reste encore un personnage très mystérieux à notre époque, etc., où... Il a beau avoir existé, on connaît pas tant de choses que ça de lui. Mais c'est donc parce c'était que du parfait coup, pour Bowie pour investir le truc quoi. Mais c'est marrant parce que Nikola Tesla, c'est le personnage en fait que dans plein de séries tu vois, en fait à chaque fois ils font appel à lui ou quoi que ce soit, t'as toujours un mec pour l'interpréter. Et finalement c'est un personnage qui fascine de par son génie, tout ça, et sur lequel en même temps ils sont. C'est un peu un génie maudit. Oui, mais puis non, mais il y a beaucoup de fantasmes aussi. Voilà, c'est à dire qu'en fait, et ce fantasme, en fait, nourrit vachement les fictions, quoi. Ouais, mais au-delà de ça, Neo, le personnage, historiquement parlant, enfin, le mec, il avait consigné ses mémoires. Mmh. Il a consigné ses mémoires, et pourtant, on continue à lui attribuer des trucs qui n'ont jamais existé. Mmh. Donc, à un moment, il y a énormément de fantasmes qui ont été construits autour de sa légende. Et lui pourtant avait été très clair sur ses inventions, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a fait. Donc il y a énormément de légendes. Ça, le problème, c'est que c'est un personnage qui est voué à être mythique. Mais... par le fait des légendes qu'on lui a créées. Voilà. Tu connais le proverbe. Si l'homme n'était pas correct, imprimez la légende. Ouais. J'aime beaucoup. Dans Western, l'homme qui tue Varley, je sais pas trop quoi. Liberty Valance. C'est ça. Ouais. C'est un des termes finaux justement, parce qu'ils s'aperçoivent que c'était pas forcément une personne exemplaire, mais. Bien sûr. Mais sa légende survivra. Bien sûr. Mais enfin, voilà. Comme pour Bowie, comme c'est le prestige, c'est le dernier rôle qu'on voit à l'écran, bah sa légende survivra quoi. Ouais. S'il n'était pas mort, je pense qu'il aurait peut-être pu encore tourner peut-être encore quelques rôles, ouais, et ça aurait été tout aussi bien quoi. Ouais, mais bon, après la maladie, on a jugé autrement, tu vois. Oui, mais c'est pour ça, même s'il n'était pas mort, il aurait pu encore nous livrer des disques. C'est pour ça que, effectivement, 109, c'est pas non plus un jeune âge, mais quand tu vois Ennio Morricone, d'autres trucs, il aurait pu, Bowie, même peut-être du reste, qu'il a 90 ans, comme Ennio Morricone, d'autres trucs, quoi. C'est ça qui est rageant. Basquiat. Biopic du premier artiste noir à avoir vraiment réussi dans le monde puissant des arts. Disparu en 1988 à l'âge de 27 ans. Le film évoque sa vie à travers sa courte et fulgurante carrière. Donc, on va aborder Basquiat de Julian Schnabel sur la vie du peintre. La vie supposée Non, c'est pas. C'est une biographie, donc si tu veux. C'est un biopic, donc il y a toujours une part de... Il y a une part de vécu et puis une part d'imaginer, quoi. Non, c'est pas forcément une part d'imaginer, mais une manière de représenter les choses de manière subjective. Mmh. Mais après, tu peux pas imaginer. Non, quand tu vois un film comme Le Majordome, oui, il y a une part imaginée. Quand tu vois un truc sur Basquiat, non, c'est plus une manière subjective de présenter les choses. Mmh. Mais... Donc Julian Schnabel de 96. Il y a un putain de casting en fait, parce que mine de rien, t'as donc j'ai attention. Donc je vais te dire, Jeffrey Wright. C'est dur hein, d'imaginer ça alors que. Mais c'est ça. Le mec, il a fait Casino Royale il a fait Casino Royale. Et il a pas du tout la même gueule et. C'est ça. En fait, pour ceux que, de manière plus proche. Il a fait aussi Westworld, c'est lui qui il joue dans Westworld, il joue on peut pas faire le lien entre le mec qui a fait Basquiat et ce mec là de maintenant, c'est-à-dire que c'est parce qu'il a perdu des cheveux sans les cheveux. Bah oui, c'est ça, et puis en plus avec le temps il a son visage arrondi tout ça, donc effectivement tu vois les deux, tu fais waouh, c'est la même gueule, donc oui, c'est assez impressionnant en fait. Il y a Benicio del Toro. Il y a Gary Oldman. Ouais, il y a Gary Oldman vite fait. Il y a Christopher Walken qui fait un journaliste. Ouais. Willem Dafoe qui fait un. Qui joue pas un enfoiré pour une fois. Non, il fait un magasin dedans en fait. Ça lui arrive de faire des bons rôles de gentil. Et il dit un truc qui peut servir pour tous les artistes, c'est. Tu vas y arriver, faut juste avoir un travail à côté. Ouais. Donc... moi je suis électricien, c'est ça, ouais, c'est moi ça. J'ai choisi électrique. Il y a Parker Posey, qui était jeune quand même à ce moment-là. Est-ce qu'il posait Pardon. C'est elle. Est-ce qu'il était posé? Il était posé. Et il y a Elina Lewenson. Ah. Ça, j'ai pensé à toi pour ça. C'est bien. Et alors, c'est marrant parce qu'en fait, dans un tout petit rôle, donc c'est donc 96, un tout petit rôle, dans un rôle d'un petit voyou, t'as Sam Rockwell. Ah, même dans un tout petit rôle. Il a toujours été un petit coquinou, Sam Rockwell. Et donc, il y a David Bowie qui fait Andy Warhol. Et Bowie qui apparaît le premier au casting dans les noms qui sont affichés dans le film. Ah oui, c'était un moment où, ouais, c'est... Alors qu'il fait même pas 20 minutes. Justement, oui, c'est peut-être la meilleure prestation du film. Mmh. Ouais, après, je pense que... En fait, je pense que bon, c'est aussi pour vendre le truc et en même temps parce que Basquiat avait entretenu une relation très forte avec Warhol. Presque son mentor est presque un père pour lui. C'est ça. Enfin, j'avais vu qu'apparemment Basquiat il avait ciblé Warhol depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il avait il était archi fan et quand il est parti l'aborder dans le resto, ce qu'on voit dans le film, c'était sa cible quoi. C'est-à-dire qu'il savait qu'il voulait Warhol quoi. Donc et finalement il a réussi et voilà. Et finalement quand tu vois le film, t'as une impression du personnage, ouais ok, il vit dehors, il vit enfin comme un SF quoi que ce soit, mais en même temps t'as l'impression que c'est qu'il sait ce qu'il veut quand même. Donc, qui se laisse porter par le film. Ouais, qui se laisse porter par sa propre volonté, qui se laisse pas influencer, qui a vraiment une vraie personnalité propre, donc... moi le film en tout cas c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais en tant que biopic. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus fourni que ça. Par contre c'est vrai que j'ai plus l'impression qu'on en sait plus en termes d'humain. Mais pas forcément en termes de ce qui s'est passé. Nous avons Nelson qui a peut-être un avis un peu plus contrasté. Alors je ne suis pas du tout d'accord avec ce que a dit mademoiselle. J'ai décroché très très très très vite. Parce que le film cible ça comme étant temporairement ancré dans 1979. Et pourtant, quand on regarde le truc, il y a tout un tas de détails qui te fait sortir très très vite du film. Oui, c'est vrai que ça fait plus années 80. Ouais, et qui fait que bah, on comprend pas en fait. Après, on sait pas, peut-être que. Enfin, la fin des années 70 aux États-Unis ressemblait peut-être plus terriblement à ce qu'a été les années 80 pour nous aussi. Non, mais alors, moi je veux bien, mais il y a un truc qui me. En fait, il y a des tas de détails qui m'ont fait sortir du film à chaque fois. J'arrivais pas à comprendre si c'était. Si c'était une espèce de vie rêvée de Basquiat ou est-ce que c'était un truc qui s'est réellement passé parce que tu vois tous ces petits accès où on voit à un moment le mec regarde le ciel et puis il voit le ciel s'animer ou tu vois des trucs comme ça je me disais mais ok c'est cool, c'est joli, c'est peut-être ce qu'il voit à travers le truc et puis après il y a des passages où malheureusement en fait la mise en scène et la déco fait penser que ça se passe en 96 et pas en 79. Et donc on est complètement paumé. Moi j'étais vraiment paumé déjà temporalement parlant. Mais alors moi après le truc qui m'a gêné, c'est les interactions des personnages. Je me dis mais putain, je comprends pas. Il est SDF ou il est pas SDF? Il est comment ça s'appelle? C'est un drogué? C'est quoi comme mec? Est-ce qu'il a un... Comment ça s'appelle? Est-ce qu'en fait, il est en train de rêver sa vie? Ou est-ce qu'il est en train de vraiment la vivre? On sait pas, on est paumé tout le temps. Et moi, là où j'ai vraiment pas du tout accroché, c'est cette espèce de comment ça s'appelle? De rencontre informelle avec le personnage joué par Gary Oldman. Et où je regarde le truc, et je dis, mais merde, il est... Enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Le réel, on comprend pas ce qu'il veut faire dire au personnage, on comprend pas ce que veut dire le personnage. On est tout le temps paumé. Et moi, je veux bien les films qui te paument, mais à un moment, il faut que ça te rattrape, ou au moins que tu arrives à te faire une comment on appelle ça, une interprétation des choses de par toi-même. Là, non, j'ai terminé le film, j'étais paumé. Mais là où moi, j'ai bien aimé le film, c'est l'interprétation de Bowie. Pourquoi? Parce que Bowie, lui, il a eu des interactions avec Warhol. Du temps où il était, je parle sous contrôle de Neo, du temps où il était. Contrôle-moi. Voilà, où il était Ziggy Stardust. Tout à fait. Voilà, a priori, mais enfin, moi j'avais vu qu'il était que. que ce que faisait Andy Warhol et la Factory l'avait beaucoup influencé dans ce qu'il faisait. Et Bowie, il a fait même une chanson qui s'appelle Andy Warhol sur l'album Hunky Dory. Où limite avec des bruits de chaussures, comme si ça avait un happening qui est en cours, tu fais waouh. Voilà, et donc, t'as ce personnage donc, de Warhol qui est joué par Bowie, qui est vraiment très bien joué. Et les mêmes mimiques et tout, etc. Alors j'ai été vérifier aussi sur YouTube la séquence parce que moi je l'avais vu en VF au départ. Et en fait, il se trouve que ouais, c'est quand même c'est très très bien joué. Et il y a une vraie. On arrive quand même à sentir l'interaction entre le Basquiat et Warhol. Mais le reste du film est chiant comme la mort. On se fait chier. Moi, je me suis fait chier. Vraiment, pendant un moment, j'appuyais sur la flèche pour que ça avance. Parce que il se passe rien. Et même quand il se passe quelque chose, on comprend rien. Et malheureusement, voilà, c'est cette espèce de truc. Cette espèce d'essai raté de t'expliquer la vie d'un mec en te montrant un petit peu ce qu'il voit. Enfin, je sais pas, moi, si j'ai un exemple dans ce genre-là, c'est Gainsbourg, une vie héroïque, où c'est un biopic, mais on voit aussi ce que rêve le mec, on voit aussi ce personnage, cet alter ego, etc. Il y a un truc, une espèce d'imaginaire qui est mis au profit de l'histoire. Et là, ce truc-là, ce film-là, il y a un imaginaire, mais on ne pige rien. Alors moi j'ai l'impression qu'en fait si on pige rien, en tout cas moi ce qui m'a posé problème, c'est la temporalité. J'ai vraiment beaucoup de mal à situer dans quel laps de temps se passe tel ou tel truc. Donc il a 20 ans quand l'histoire commence. Et finalement, il est quand même censé s'être passé quelques années pendant tout le film. Et on n'a pas cette impression-là, en fait. On a l'impression que vraiment, c'est juste quelques semaines, quelques mois, quoi. C'est ça. Donc, puis même, il y a des phases, mais la phase du magnétoscope, j'ai pas pigé. La phase du magnétoscope. Ah, si. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que d'ailleurs, cette histoire, ce clip, en fait, quand tu regardes vers la fin, la scène où il traîne dans la rue en robe de chambre et tout, en fait, la manière dont c'est filmé, moi j'ai trouvé que ça rappelait un peu cette scène-là en fait. Ce qu'il voyait dans le clip, comme pour faire écho. D'accord, parce que pour moi, personnellement, quand je regardais le truc, je comprenais pas quoi. Et du coup, c'est vrai que il y a un truc qui m'a fait un peu tilter, c'est que quand même, quand tu regardes comment le film il est agencé. Tu vois, il y a des séquences où c'est que le film aurait pu être très bien. Il y a une très bonne distribution. Il y a un casting qui est vraiment énorme. Mais on ne sait pas où est-ce qu'il veut en venir. Et Nio m'avait expliqué que le réal, c'était un peintre à la base. Et que en fait le truc, oui, il y a des plans qui sont construits comme des peintures. Mais après le problème c'est que le mec il sait pas. Il n'a pas cherché à ancrer son truc dans 79. On a l'impression que le truc a été fait en 96 et qu'il est dans 1996 et pas dans 1979. Et franchement, moi ça me gêne parce que tu veux retranscrire quelque chose. J'ai pas l'impression qu'il y a d'énormes moyens quoi. Tu vois, pour essayer au moins d'essayer de caler un semblant de temporalité historique de manière à ce qu'on, d'un marqueur historique. Manière à ce qu'on puisse rester dedans, qu'on puisse se dire ok, on est fin des années 70, maintenant où est-ce qu'on va, tu vois. Et ça y a pas, quand je regarde dans le truc, c'est peut-être la mise en scène, mais surtout c'est peut-être l'image qui fait ça, parce que c'était fait en 96 pardon, et que on en a encore des systèmes qui fait penser à de la vidéo. Mais voilà, malheureusement je trouve que le film est totalement desservi. Or outre la performance de Bowie, bah franchement, ce film-là, je le trouve extrêmement oubliable. Voilà. La dernière tentation du Christ. Jésus vit une vie ordinaire d'homme pêcheur. Il découvre sa vraie nature de Messie à travers un voyage dans le désert. Il commence alors une vie de prêche et d'accomplissement de miracles, jusqu'au moment où il comprend que son Dieu désire qu'il soit crucifié et que soit entamée la deuxième partie de son voyage. Alors, essentiellement, donc, c'est un Martin Scorsese. T'étais pas sûr, hein, à vous. Non, ouais, parce que moi pendant très longtemps j'ai pensé que c'était Milos Forman, donc déjà j'avais un petit problème. Pourquoi pas, hein, tu me diras, hein, c'était aussi, les deux ils étaient autant provocateurs l'un que l'autre, mais un plus 1 pour Foreman. Et un truc qui est intéressant en fait dans ce film, c'est surtout la prestation. Enfin moi, j'ai beaucoup aimé la prestation de Bowie dedans en Ponce Pilate. Oh. Et franchement, personnellement, je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Et parce qu'il a les cheveux courts, non? Ouais, les cheveux courts, il est brun. Il est assez sec dedans. En fait, tu le reconnais pas tout de suite, vraiment pas tout de suite quoi. C'est un rôle de salaud. Ouais, c'est un rôle de salaud, c'est une manière aussi de jouer, c'est-à-dire que Bowie, moi j'ai remarqué un truc, c'est que avec le fait qu'il ait joué que des personnages, il ait créé que des personnages et tout, etc., des uns derrière les autres. C'est souvent des personnages ambigus, quoi, voilà. C'est beaucoup plus riche que prévu. Exactement, bah du coup, lui, quand il joue un personnage, il laisse ce personnage à fond parce qu'il a déjà toute une gamme d'émotions qu'il a pu développer au travers de personnages comme Ziggy Stardust, etc. Là, c'est quelque chose, si tu veux, le Ponce Pilate, il jouait tout en nuances. Donc, quand tu regardes le mec, oui, c'est un salaud, mais en même temps, tu as un peu d'empathie pour lui, quoi. Ah. Et moi, c'est un truc que j'ai développé en regardant ce truc. Je me dis, putain, merde, c'est un enfoiré. Ouais, la Bible dit que c'est un enfoiré, mais bon, quand même, il a l'air sympa. tu vois. Ça, allez, on lui donnerait le bon Dieu sans profession. Ouais, tu veux lui faire un câlin, il dit vas-y, c'est rien, t'as envoyé un mec à la mort, c'est rien. mais quelque part, voilà, moi c'est un truc qui m'a beaucoup marqué dans sa prestation en tout cas. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est vraiment, il y a une nuance à travers tout son jeu. On peut pas dire, ouais, lui c'est un enfoiré. Tu vois? C'est plus nuancé que ça, quoi. Voilà, c'est pas comme tu regardes Willem Dafoe, tu dis, c'est marqué sur sa gueule, je suis un bâtard. Tu vois? Lui, il a un truc qui le met dans la zone grise d'office. Mmh. Donc, du coup, c'est vrai que c'est compliqué, voilà. Mais, voilà ce que je voulais dire. Moi, sa prestation dans le film m'a fait quand même douter pas mal, quoi. Voilà. Ça t'a donné un os à ronger. Ouais, complètement à ronger. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas encore vu, mais la musique de Peter Gabriel est fabuleuse. Ouais. Elle avait pas gagné un prix pour le... Je sais pas, c'est le genre de truc qui donne envie de voir le film, tout comme la prestation de Bowie, quoi. Vrai, c'est vrai. Et puis tout le scandale qui entoure le film, bon... Ah ouais, alors parlons vite fait du scandale. Moi, j'ai regardé l'année dernière, je regardais à mon temps perdu, je regardais des très vieux zappings. Des années 89, de 90, etc. Quand il y a eu la dernière Tentation du Christ qui est sortie, donc je crois que c'est un an avant, je crois que c'est en 88. J'ai plus les trucs en tête. Il y a un cinéma qui a cramé, quoi. Il y avait une bonne sœur qui disait à la télé américaine, et d'ici ce film sort, Dieu nous punira et la Californie sombrera dans l'océan. Pour l'instant, la Californie n'est pas sombrée. Donc voilà, c'était des trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire que pour eux, c'était... le blasphème ultime, de la même manière que l'affaire Larry Flynn, quoi. Comment il s'appelle, Woody Harrelson, hein, on croit. On croit avec. Sur un stream, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que ça a fait beaucoup de remous, ce film, et de la même manière que le film de Mel Gibson a fait énormément de remous dessus, quoi. Donc, c'est des trucs quand tu touches à la religion, en tout cas. Et quand tu regardes des films, tu te dis, il n'y a pas forcément besoin de faire tout un scandale. Exactement. Pour ça, mais il y a le même truc, il y a pas besoin, toujours Netflix qui a sorti la série Messiah. Mm-hmm. Et pareil, il paraît que ça ne il y a des gens qui aiment pas trop. Moi, j'ai vu les épisodes, franchement, c'est pas terrible. Franchement, non, j'ai vu d'ailleurs dans Messiah, il me semble que c'est dans Messiah qu'on voit, il y a Tomer Sisley là-dedans. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en tout cas sur la dernière Tentation du Christ. Les prédateurs. Myriam et John vivent à New York. Myriam est une vampire de 4000 ans et John de 300 ans. Néanmoins, John est touché par une dégénérescence et vieillit rapidement. Myriam rencontre alors une spécialiste des mécanismes du vieillissement et jette son dévolu sur elle. Comme on l'a vu dans le résumé de notre chère voix off, c'est un film de vampire avec un casting assez saisissant. Mmh. David Bowie, Catherine Deneuve et Suzanne Sarandon. Il est sorti en 83, mais, oui. Mais c'est de quel réal? Alors, le réal, c'est Tony Scott, qui n'est pas un bleu. Tony Scott, le frère de Ridley, tu t'en doutes. C'est son premier film. C'est une piste, Tony Scott, parce que... Ouais. Par exemple, personnellement, c'est ou Domino ou le flic de Beverly Hills 2. autant, et même Top Gun, déjà vu. Top Gun, ouais, voilà. C'est vrai, Top Gun, purement. Mais en plus, c'est très intéressant parce que quand tu regardes Top Gun, ou même déjà vu, ou même le film avec l'espionnage avec Will Smith, Ennemi d'État. C'est ça. Et tu vois, ça n'a rien à voir. La mise en scène, les prédateurs, c'est alias The Hunger, c'est très proche des premiers films de Ridley Scott, très léché, la photographie, c'est presque des tableaux de peinture, c'est hyper beau photographiquement, tout ça, etc. Il y a un soin, etc. Même... C'est extrêmement classe, en fait. Tout à fait. Même dans tout le début, en fait, avec la superposition des différentes images, quand ils rencontrent le couple, justement, et avec la musique, tout ça, c'est très très classe. Oui, c'est ça. Et quand tu vois à cette époque-là, en 83, c'est Ridley Scott, et c'est encore l'époque où il sort de Blade Runner. Donc on est vraiment dans les films du frangin qui sont déjà hyper classe. Il y a les duellistes, Alien, Blade Runner. Après il va y avoir la pente descente avec les gens qui assez visuellement hyper classe. L'histoire est un peu plus basique. Et voilà, et puis bon, les gens tu sens qu'ils commencent à être déprimés parce que Blade Runner était un flop. On revient à Tony. Et Tony, donc il fait son premier film à ce moment-là. Tu sens vraiment la patte comme le frangin, un truc vraiment classe, léché, bien foutu. Et pour rebondir d'ailleurs sur ce que notre Minou. Il y a même, on parlait de musique, parce que comment ne pas penser à la musique Bowie, là il n'y a aucun morceau de Bowie. Par contre, dès le but du film, il y a une séquence en discothèque et il y a le groupe Bauhaus, groupe gothique qui joue. Ah si, il me semblait qu'il y en avait une ou deux chansons qu'ils avaient utilisées, je crois. Alors, à vérifier, mais il me semble. Peut-être à vérifier, mais là je pensais à un film qui s'appelle La Féline, où il y a Cat People, Putting Out Fire, que Bowie a composé à la base pour le film, qui va se trouver son album après, plus tard en 83, Let's Dance. Alors, c'est pas un spoil, mais le film traite, tout comme les films de David Cronenberg à cette époque-là, un peu avant, traite du... On a l'impression que le sida, tout ce qui est transmissible par le sang, le sexe, apparaît en filigrane. Le vampirisme, d'ailleurs, est presque une métaphore de ça, alors que le sida ne va être déclaré que vraiment à la fin des années 80. D'ailleurs, au début, on a cru que c'était une maladie, justement, pour les homosexuels. Après, ils se sont dit « Ah putain, les hétéros aussi qui sont touchés, quoi !» Et déjà, tu as déjà le... Je l'ai pas fait comme ça, c'est marrant, mais effectivement, ouais. Mais en fait, quand tu regardes bien les prédateurs, c'est... Évidemment, c'est pas prononcé clairement, mais toute une métaphore là-dessus, puis des expériences en laboratoire avec Suzanne Sarandon, avec le sang, etc., tout plein de trucs. Et du coup, le film est très intéressant, il est devenu culte. Catherine Deneuve a eu son statut d'icône gay grâce à ce film, à cause d'une fameuse scène lesbienne avec Suzanne Sarandon, sur la bande-son du Délib, de l'Acme de Délib, qui est magnifique d'ailleurs, et qui superpose des images de l'Égypte antique avec le truc, tout ça. Et un autre point que je voudrais souligner, c'est les maquillages, puisque Bowie est un vampire qui va vieillir en accéléré, et toutes les séquences où il vieillit au cours d'une journée, parce qu'il se déshumanise, etc., totalement, et se trouve très bien fait. C'est des trucages anciens, type qui ne vieillissent pas, qui restent vraiment... C'est très bien fait, et en même temps, j'ai repensé, en fait, c'était un film avec Dustin Hoffman, Little Big Man, et en fait, où pareil, je crois que le film, parce que j'ai vu il y a très longtemps... Pareil, il a un maquillage très très lourd en fait, tout à fait. Quand il est vieux. Et j'ai repensé à ça. Toute l'histoire d'une vie, quoi. Ouais, alors c'est des maquillages sur la fois très bien, mais en même temps très typiques de leur époque dans la manière de faire les visages en fait. Et où tu vois que Bowie, son visage est limite carré en fait quand ils font le vieillissement. Et parce qu'en fait, les gens qui ont fait le vieillissement ont dû penser qu'il faut absolument mettre plein les joues ou quoi que ce soit. Les visages ne vieillissent pas tous de la même manière, il y a des visages qui se creusent et des visages qui s'épaississent. Tu vois, par exemple, on parle de Deneuve maintenant, quand tu vois, elle a plutôt un visage qui a eu tendance à s'arrondir avec le temps. Ce qui est rageant en plus, c'est que David Bowie nous a quitté trop tôt à 69 ans. S'il avait vécu jusqu'à 80 à 90 ans, on aurait pu voir si effectivement maquillages auraient pu répondre. Mais tu vois à la limite que déjà, c'est déjà pas mal. C'est pas comme s'il était parti à 40 ans, on avait quand même une légèreté, il avait quand même un visage qui s'arrondissait pas, quoi, qui était plutôt à rester assez sobre et un peu et mince. Donc c'est pour ça. Mais après, c'est vrai que je crois qu'il y a un film qui est très bien pour voir aussi ça, c'est Retour vers le futur, avec les différents... Oui, tout à fait. Et c'est tout à fait dans les années 80, ce genre de maquillage, et ça reste toujours bien fait de mon point de vue, quoi. Mais c'est intéressant, en plus, ce que tu dis, parce que ça va au-delà. C'est comme si on peut se permettre de spoiler un petit peu parce que c'est quand même une intrigue secondaire qui n'impacte pas le visionnage. Oui, Bowie a un rôle assez mineur en fait finalement. Moi je m'attendais à ce qu'il ait plus de rôle. Et en même temps important parce qu'il laisse sa place pour une nouvelle recrue vampirique entre c'est guillemets. C'est pas lui que ça arrive, oui. Et comme il vient d'accélérer, comme c'est un vampire qui est moins récent, qui est un peu plus récent que Catherine Deneuve, alias Myriam, qui dure depuis l'Égypte ancienne, lui c'est un vampire qu'elle a conquis au XVIIe siècle, Et on voit que sa vie, que ça s'accélère, c'est pas comme s'il avait 120 ans ou 130 ans, etc. J'ai l'impression que les maquillages sont vraiment exagérés pour vraiment donner cette impression du temps qui s'est dilaté. Et même à l'image, quand tu vois, il souffre, tu vois, avec le jeu d'acteur, mais aussi avec, tu vois, il souffre avec la chaleur et la lumière, il guette la lumière, etc. Comme si c'était beaucoup plus sensible avec le vieillissement accéléré. Et enfin. Est-ce que c'est quand même mieux fait, ce vieillissement, que Gary Oldman dans Dracula? Il est pas mal, hein, celui-là. Il est pas mal, celui de Gary Oldman. Je croyais que t'allais me dire Benjamin Button. Benjamin Button, que je trouve bien fait aussi, mais c'est à l'envers. Voilà, c'est à l'envers. Et non, mais je trouve que, voilà, je sais pas si Katou veut encore en parler un peu, mais je trouve que le film, il faut le voir, parce qu'il y a beaucoup de qualités, beaucoup de points intéressants, c'est un film très riche, Prédateur, que ce soit pour le jeu des acteurs et actrices, que ce soit pour les maquillages, que ce soit pour les effets spéciaux, que ce soit pour la mise en scène, que toujours aussi stylisée, aussi classe, pour la bande-son aussi, et puis aussi pour le thème du vampirisme, qui est vraiment traité vraiment d'une manière très intéressante. Ouais. Mais moi j'ai juste un point sur le titre français je l'aime pas beaucoup, parce que Les Prédateurs, je trouve que le titre anglais original, The Hunger, se prête beaucoup plus à ce qui est abordé. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une quête, une fin d'éternité, une fin de... Enfin, là il est vraiment, il prend tous les sens du terme, la fin. Donc, tout à fait. Film. Alors que Les Prédateurs... C'est vrai, on pose pas la question, quand on a jamais vu le film on se dit quoi, prédateur sexuel, prédateur en autre chose, etc. Et en même temps... Non, mais quand on sait que c'est un film de vampires, on se dit c'est forcément ça, mais pour moi, c'est pas ce que prime. Après, ça dépend, parce que si tu n'as pas vu la bande-annonce, tu ne te fies qu'à la jaquette, et que la jaquette, elle est un peu cool, bon, bah La jaquette est cool. D'ailleurs, l'affiche française des Prédateurs est encore plus intéressante que The Hunger à la base, quoi. The Hunger à la base, c'est un truc un peu rouge qui forme comme un truc, tu peux penser à un film de vampire, tu penses à un autre truc. The Predator, l'affiche, tu vois juste un corps, tu vois Catherine Deneuve qui est presque dessus, et David Bowie qui reste impérial derrière, et c'est presque le sens prédateur au sens des créatures à part qui dominent un peu. Donc moi en tant que tel, ça me gêne pas trop, parce que les vampires ont toujours été des créatures un peu à part, dans notre imaginaire, mais aussi en tant qu'être humain, quand les vampires sont censés être immortels, tout ça, etc. D'ailleurs, c'est un truc intéressant. Pour moi, c'est pas ce qui a primé quand j'ai vu, en fait. Ouais, mais c'est comme ça, comme je te dis, le film est riche, on peut du coup interpréter même le titre, que c'est en VF ou d'autres trucs, d'une plusieurs manières. Et d'ailleurs, ça me fait penser encore à un autre truc. Il y a des films vampires qui se déroulent en plein jour, c'est rare, mais il y en a. Les Prédateurs en fait partie. Near Dark de Catherine Bigelow, Near Dark aux frontières de l'aube en fait partie aussi, où l'empirisme est traité comme une maladie. Pour donner un côté encore plus réaliste, quoi, voilà, je veux dire. Et ça, c'est intéressant, ça accentue encore le côté, le vampirisme, une maladie, ou même une malédiction. Dans le cas de Bowie qui est frappé par malédiction, on dit Catherine Deneuve, c'est ce qu'il agite aussi. Katou, encore un truc pour terminer? Attends, parce que juste une question. Oui. Le traitement du vampirisme comme étant une maladie, il me semble que dans Je suis une légende avec Charlton Heston, c'était avec Charlton Heston, il me semble. Il y a plusieurs versions. Ouais. Mais effectivement, on peut comparer ceci, parce que la dernière version avec Will Smith, c'est comme des zombies, donc rien à voir. Ouais, non, rien à voir, mais la version avec Charlton Heston. Ouais, le survivant. Ou The Omega Man, l'un des deux. Il y a eu la surprise, et puis. Le survivant, le fait est qu'il me semble que dans la version française, il traite ça comme étant une maladie. Et oui, et c'est déjà une nouvelle dans le roman de base, Chine Legend de Matheson, parce déjà à la base. À la fin, quand il ramène les enfants malades, quand il trouve un antidote, il ramène les enfants malades, et ben justement, ils disent, c'est au tout début, ils disent qu'ils sont atteints par une maladie qui est transformée. Tout à fait, tout à fait. C'est un truc que la littérature a un peu plus développé, et que justement, comme survivant, ou même les prédateurs, ou Nirdat, n'a pas trop été développé au cinéma, quoi. Alors, pour finir sur le film, il y a juste le vampirisme traité en tant que maladie, il y a ça dans la série V-Wars qui est sortie sur Netflix il n'y a pas longtemps. Oui, mais entre deux, je ne sais pas, dans les années 90, non, mais c'est un marrant film de voir parle... que justement, le cinéma a abandonné totalement ce truc-là et que du coup, ce genre de truc essaye de faire un renouveau de la série de vampires avec ça. Quoi. Ouais, ça reste une approche intéressante, quoi, donc c'est bien qu'ils s'en emparent à cœur nouveau. Voilà. Java, 1942. Un camp de prisonniers américains est dirigé par le capitaine Yonoi, un chef japonais à la poigne de fer. Dans un contexte de période de guerre où les interactions entre prisonniers et geôliers ne sont pas toujours faciles, celui-ci va faire face à un prisonnier particulier qui va exercer une certaine fascination sur lui. Moi, je me souviens de ce film notamment parce qu'il y a Takeshi Kitano dedans. Tout à fait. Le casting, encore à chaque fois, est assez prestigieux. Et du coup, donc Furio, de quel réalisateur c'est Nagisa Oshima. Nagisa Oshima, voilà. Et qu'est-ce que tu en as pensé Parce que moi, c'est vrai que ça celui-là, par contre, je suis passé totalement à côté. C'est très intéressant parce que Nagisa Oshima, à la base, c'est un des cinéastes de la nouvelle vague japonaise, aux côtés de Imamura et d'autres comme Teshigahara. Sauf que, à partir des années 70, Oshima va déjà moins tourner, il va tourner avec des financements européens, voilà. Et ça peut rien avoir avec ses films pour la nouvelle vague japonaise, quoi. Tu regardes L'Empire des Sens, qui est... Oui, quelques plans bien crus. Ouais, bien cool, l'actrice a été démolie un peu avec ce film au Japon, quoi. Bah, l'acteur encore, par la suite... On est encore de l'époque, la société est très conservatrice, pas trop. Voilà. Et Nagisa Oshima, sa deuxième partie de carrière, il n'a plus fait grand-chose. Il y a Max Mon Amour, il y a L'Empire de la Passion, L'Empire des Sens, sûrement encore avant. Après Max Mon Amour, tu passes à 83 Furio. Et après, t'as... Tabou, 99, avec Kitano. On retrouve Kitano après tout ce temps. Et à nouveau Sakamoto, qui était acteur dans Furio, qui joue le sergent qui s'entiche de David Bowie. Ohio ouais. Ohio, je crois, ou Ohio, c'est le jeune sergent. Voilà. Et qui, je trouve, a un visage très très beau, en fait. À la fois un visage doux et dur, quoi. Un visage graphique, en plus, je trouve. Et ce qui est intéressant, c'est presque un visage ou même un style qui serait inspiré de Mishima, quoi. Quand tu vois Mishima avant Sousuki dans 70, tu vois, c'est presque le même genre de truc, quoi. Ah ouais. Et Mishima était très rigueur, très carré, il voulait que les samouraïs reviennent, il voulait instaurer un ordre avec les sabres, etc. Mm-hmm. Je me demande si ce personnage n'a pas inspiré du coup le jeune sergent japonais. Donc Sakamoto qui joue en tant qu'acteur, donc qui est l'acteur face à Bowie, et il s'en sort très bien. J'ai pas souvenir que Sakamoto en tant qu'acteur sa carrière n'est bon. En tant que musicien par contre, c'est déjà quelqu'un qui a fait ses preuves dans Yellow Magic Orchestra, qui a déjà une bonne carrière. Ah oui, oui, c'est vrai. Voilà, qui a une bonne carrière, et à chaque fois tout le monde croit que la musique de fin c'est de Bowie. Eh ben non, Forbidden Colors, c'est David Sylvian qui s'associe à Sakamoto. Tout le monde peut le croire parce que le timbre de voix de Sylviane est assez proche par moment de celui de David Bowie. Donc à nouveau, David Bowie n'a pas fait la musique, mais il joue très bien. Et cette séquence, et Katou sera d'accord avec moi, cette séquence d'ouverture où il mime une cigarette imaginaire, il se lève pour rejoindre les soldats, et ça c'est grâce au mime qu'il a appris avec Lindsay Camp qui fut son mentor, on voit que c'est des trucs qui lui servent pour son jeu d'acteur, et pour moi c'est brillant dès le début, quoi. Et de bout en bout, Furio, même les dernières scènes avec Bowie, on va pas spoiler, mais Katou te souvient, les dernières scènes. Avec Bowie, c'est assez fort, en fait. Ne spoilons pas. Moi, ça m'émeut. Et même le geste que le soldat japonais va avoir pour conserver l'eau dans sa mémoire, dans son cœur. Voilà. Mais pour moi, Furio, c'est un très grand film, quoi. J'en dis pas plus, c'est un très grand film. Je suis pas fan de Nagisa Oshima, mais il a quand même signé 3-4 films que je trouve fabuleux dans l'histoire du cinéma. L'Empire des Sens, parce qu'il y a du cul. Et Furio, parce que la musique, Bowie, Kitano, et l'histoire qui est magnifique, qui est pleine d'humanité, on peut le dire carrément. Et donc ça, c'est dans sa période où il est parti à l'étranger, en gros. C'est sa seconde partie de carrière. D'accord. Il dit, non, pas forcément parti à l'étranger, mais il y a des financements étrangers. D'accord. Parce que L'Empire des Sens, c'était Anatole Domain, qui est français, qui produisait le film, etc. D'ailleurs, c'est Arte qui est dit, parce qu'Anatole Domain, après, a travaillé avec Arte, tout ça, donc voilà. Ouais. Max Mon Amour, je sais plus, c'est le studio Canal à l'époque, et Furio. C'est aussi des financements, je crois qu'il y a des financements français aussi. D'accord. Et voilà, après L'Empire des Sens, tu te demandes s'il pouvait encore tourner au Japon ou s'il pouvait, ou du moins avoir des candidats, des acteurs japonais. On a un début de réponse avec Kitano et Sakamoto qui jouent dedans. C'est quand même un casting international. Parce qu'il y a Tom Conti, qui est un acteur qu'on connaît plus de nos jours, qui est un soldat anglais, etc., qui a un rôle, curieusement pour le coup, qui est mineur, parce que c'est David Bowie qui est mis au premier plan. Ouais. Et même un acteur un petit peu plus âgé, j'ai pas les noms, voilà. Katou, ton avis dessus? Autant Bowie c'est le personnage principal, mais le titre original. Merry Christmas, Mr. Lawrence. Laurence. Laurence, pardon. Tout à fait. Oui, oui. Ça confirme que c'est une coproduction internationale, quoi. Oui, oui. Et puis, mais du coup, en fait, c'était la différence de titre comme ça et. Mais oui, c'est la dernière parole qui est prononcée à la fin. Bah, à la fin, oui, et en fait, cette dernière parole est prononcée à la fin et en référence à un souvenir qui se passe un peu plus tôt dans le film. Tout à fait. Et finalement, c'est inhérent à ce personnage-là et pas à celui de Bowie. Donc pour moi, c'est... effectivement, celui de Bowie est très important, mais j'y vois un peu plus... pas un film choral, hein, ça c'est clair que Bowie est plus mis en avant. Oui, mais il y a des personnages qui ont importance, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont quand même, assez bien définis, tous. Et Furio, le titre français, je crois que c'est le nom des soldats qui étaient donnés aux soldats, je crois, qui étaient prisonniers. Je crois que c'était le nom que les japonais de nos. C'est un nom justifié aussi pour le coup, du coup. Oui, mais je crois que c'était sur cette base-là, quoi. Et Et donc, ouais, non, moi, je trouve que Bowie est très, très classe aussi là-dedans. Mais il se rapproche pas mal de... Enfin, moi, je trouve que ça se rapproche pas mal de Predator, en fait, dans... Attention, les Predators et pas Predator. Oui, les Predator. Ah bah oui, les Predator. Les vampires, les extraterrestres. Par rapport au thème qui est abordé, c'est-à-dire que celui de l'homosexualité, dans le sens où... autant dans Predator, il est très clair, très explicite. Et dans Fléau, c'est plus ambigu, justement. Voilà, c'est plus ambigu. Et c'est dit par des petites paroles. Et ça, et c'est ambigu, mais c'est, tu y a pas d'enfin. Non, en fait, il y a pas d'ambiguïté. C'est plutôt suggéré, mais c'est toujours très très fin. Mais c'est ça qui fait la richesse du film, justement. C'est ça. Et à un moment, le personnage, il y a un soldat qui dit justement au chef de camp, qui lui dit. Ce prisonnier a une mauvaise influence sur vous. Voilà, tu sens que il y a des trucs comme ça. Et déjà dès les premiers temps avec l'histoire du prisonnier hollandais, justement qui lui on sait que ça va être à propos de ça d'office, parce que le prisonnier hollandais qui se fait battre, je crois, avec le soldat japonais qui était rentré dans sa cellule justement pour avoir des relations avec lui. Mais par contre, ça reste très subtil, c'est pas la lourdeur que nous ont habitué ces cinéastes et nos autres, etc. Non, quoi. Non, mais en plus, c'est un truc qui est assez, curieusement, assez présent, en tout cas, dit de cette manière-là, dans le cinéma asiatique, en tout cas dans le cinéma japonais, dans le cinéma coréen. Moi, je me souviens d'avoir vu un truc coréen il y a quelques temps où j'ai l'impression qu'ils aiment bien essayer de souligner l'homosexualité par des traits très, enfin des choses très fines, etc. Oui. Et j'avais vu la même chose, mais ça pas à la même époque, mais dans l'armée nord-coréenne, c'était un film coréen comme ça, sud-coréen, où ils montraient ça, mais dans l'armée nord-coréenne. Mais après, dans Predator aussi, il est très fin. Moi, je trouve que, en fait, justement, ça passe comme une lettre à la poste. On se dit pas, on voit un truc. Parce que le personnage de Deneuve, elle aime un homme, une femme. Et je trouve que pour l'époque, c'est assez novateur que ce soit. Parce que 83, quand même. 83, ça faisait pas si longtemps que l'homosexualité était dépénalisée en Occident. Mmh. Donc, je trouve que c'est pas mal. Il y a après, un truc intéressant aussi avec Furio, c'est que. Le film joue pleinement sur la fascination que les occidentaux exercent sur les japonais et vice versa. Et le film, et en plus Nagisa Oshima n'est pas un abruti, il en a pleinement conscience. Et c'est un des sous-textes, un des nombreux sous-trucs qui sont sous-entendus par Furio, quoi. À travers l'homosexualité, mais aussi à travers le respect militaire entre soldats, etc. Il y a beaucoup de trucs comme ça qui sont... Il y a cette volonté de montrer que, après, qui est arrivé dans d'autres films de guerre, de montrer que les soldats sur le terrain, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, c'est surtout des gars qui étaient juste, comme des objets dans une guerre, en fait, qui font juste partie de ce qui se passe et qui sont juste esclaves de ce que font leurs dirigeants, quoi. Tout à fait. Donc, ce que souligne énormément les films de guerre en général. D'ailleurs, le dernier exemple de guerre, de Jojo Rabbit, qui même sous ses airs de comédie, il y a aussi cet aspect-là, en fait. Ne spoilons pas. De dire que les Allemands, mais les Allemands n'étaient pas tous méchants, n'étaient pas tous nazis, il y en a qui fait ce qu'on peut. Maintenant, de nos jours, soit tout est blanc, soit tout est noir, on a tendance à oublier que les choses ne sont jamais claires comme ça dans l'histoire de l'humanité. Juste gigolo. Paul, un téméraire jeune officier prussien dans l'armée allemande, est blessé lors de la guerre de 1914-1918. Après l'armistice et le traité de Versailles, l'Allemagne est en déliquescence totale et certains mouvements voient le jour aux extrêmes gauche et droite du spectre politique. De retour à Berlin, Paul va être témoin de ces changements, puis progressivement être contraint de faire commerce de ses charmes. Un film dans lequel il y avait David Bowie et Marlène Dietrich. Ah oui, même il n'y a pas que aussi, il y a aussi Sidney Rome, il y a Kurt Jürgen, le casting est monstrueux. Et même le réalisateur, qui est aussi acteur à la base, David Hemmings, il joue dedans, un petit rôle. Et c'est intéressant parce qu'à la base, c'est quelqu'un qui a toujours voulu faire du cinéma. Il est essentiellement connu de nos jours que pour deux rôles, Blow Up et Les Frissons d'Angoisse. Donc Anthony Argento, des lettres en A. Puis il prend Bowie au son film, lettre B. Et c'est un film qui est encore méconnu de nos jours et qui est malheureusement destiné à rester méconnu pour plusieurs raisons. Déjà, faut savoir que c'est un film qui a fait un gros flop monumental à sa sortie. Donc c'est pas une question de droit. C'est pas une question de droit. Ça fait un flop pour le premier Baby Mings. Et quand tu regardes le film, En plus, tu sais jamais sur quel pied jongler. Le film hésite entre la description un peu dramatique de la République de Weimar, donc juste après la Première Guerre mondiale, où tu vois le Berlin en crise, en déchéance, et des aspects un peu comédie nonsensiques. Par exemple, David Bowie, qui est un aristocrate allemand, bah, dès le début du film, il marche près de... tout explose autour de lui sur le champ de bataille, puis il marche comme s'il n'y en avait rien à foutre, ou s'il était sourd, tu te dis « Mais tu vas crever! Va dans une tranchée !» C'est du grand guignolesque, quoi. Oui, c'est ça, c'est un peu grand guignolesque, mais je pense que ça a pas mal des... tout le public est décontenancé, et les critiques aussi, les critiques à la base étaient très mauvaises, alors que le film ne mérite pas ça, c'est... Ok, c'est bancal, mais ça reste quand même un film attachant et qui est regardable et qui est pas mal du tout non plus. Non, mais attends, et je fais pas mon David Godenoff, attention. Ah, bien sûr, ça va. Ça va. Non, juste, quelle année 78. 78, d'accord. Ouais. Donc, on poursuit donc sur la lancée avec ce truc-là. Et Marlène Dietrich, elle a un grand rôle dedans ou dans ces gens? Non, c'est un petit rôle, quoi. C'est limite, j'irais pas dire des caméos, c'est des petits rôles, elle joue une baronne. Et non. Vraiment, tu vois le film pour Bowie, je pense qu'il en a conscience aussi. Ouais. Et comme on disait pour L'homme qui venait d'ailleurs, là on est en 78, le film est essentiellement allemand, d'ailleurs le titre original est allemand, parce que juste gigolo c'est titre anglais. En France on a eu Ciel, mon gigolo, tu fais. Waouh. C'est mon gigolo. C'est mon gigolo, oui tout à fait. Qui sonne vraiment comme une comédie de bas étage. Ouais. Non mais tu sais, là en plus, comme il l'a dit, on dirait genre la traduction français-québécois. C'est presque ça, quoi. N'oubliez pas de votre théâtre près de chez vous. Ciel, mon gigolo. Voilà. Ah bah, ça a desservi le film. Ça a desservi le film, mon... Voilà. Et cette émission est sponsorisée par Accent. Comme je disais, pour L'homme qui venait d'ailleurs, c'est tourné en Allemagne. Tourné, voilà. Et des comédiens du cru, Marlène Dietrich. Marlène Dietrich approuve. Et voilà, et c'est vraiment la période allemande de Bowie à tous les plans, aussi bien sur les disques que les films, quoi. Même comme pour le film des Nailleurs, c'est pas tourné en Allemagne, mais tu vois le truc, c'est... Tu sens Bowie, il navigue là-dedans, il fait plaisir, quoi. D'accord, donc en fait, on tombe en plein dans sa période Allemagne. Ah ouais, en plein Allemagne, que ce soit à l'écran, comme bon, c'est le mon gigolo, voilà. On va terminer avec une petite note aussi, une petite anecdote sympathique sur le film. Tout à l'heure, pour le milieu d'ailleurs, j'ai dit qu'il n'y avait pas David Bowie n'avait pas collaboré à la BO. Ouais. Là, il y a un 45 tours qui s'appelle The Revolutionary Song, qui n'apparaîtra jamais sur aucun best-of de Bowie, qui n'apparaîtra plus jamais. 45 tours qui sont sortis uniquement au Japon, très rare. Le genre de musique qu'on peut trouver sur YouTube. Mais il y a eu un vinyle du film qui est sorti en 2015, c'est Jumbo Records. La musique de Bowie y est. Je sais pas combien coûte le vinyle. Mais voilà, c'est le genre de truc que peut-être pour des problèmes de droit, par contre, qui apparaît jamais. C'est la petite anecdote culte qui rajoute un peu au prestige du film. Voilà. L'homme qui venait d'ailleurs. Un être venu sur Terre afin d'y trouver l'eau qui manque sur sa planète, réussit sur Terre grâce à sa connaissance des technologies futuristes. Sa rencontre avec une femme compromettra ses projets de retour chez lui, jusqu'à le faire sombrer. C'est peut-être le vrai premier grand rôle de David Bowie au cinéma. C'est vraiment un film qui est presque quasiment sur lui. C'est-à-dire qu'il interprète un extraterrestre. 76, ouais. Mais voilà, merci Kato. Pas quelle mémoire. Voilà. Un extraterrestre qui est joué par Bowie, j'ai envie de dire, c'est tout saut pour toi, quoi. T'as déjà un extraterrestre dans le monde de la musique, mec, donc voilà. Et du coup, la mise en scène de Nicolas Roeg pour montrer Bowie, c'est simple, il va juste filmer l'acteur tel qu'il est, il va juste laisser l'acteur se développer. Il y a évidemment quelques prothèses pour ajouter une espèce d'étrangeté, avec par exemple des lentilles pour les yeux, ou même un moment où on s'aperçoit qu'il a pas vraiment de cheveux ou que sa peau est différente. Mais sinon, c'est vraiment, on peut dire, une espèce de film déjà sur Bowie, quoi. D'accord, et Rogue, juste pour remettre dans le contexte, Rogue, à ce moment-là, c'est quoi sa carrière? Je veux dire, il a fait quoi d'autre avant, un petit peu? À la base, il était directeur photo pour beaucoup de films. Par exemple, le Fahrenheit de Truffaut, c'est lui qui fait la photographie. C'est pas un aveugle, il sait filmer, et dans ses films, par contre, il va avoir une touche personnelle, il va faire le montage, il va superviser le montage. Et tous ses films, une espèce de montage, de touche chez Nicolas Roeg, où le temps se délite. Enfin, tu vois ses films, tu vois ses montages. Et L'homme qui vient d'ailleurs, c'est pas son premier film. Parce que juste avant, il avait fait Performance, en 68-69, avec justement Mick Jagger. Donc le mec, il est presque habitué à tourner presque avec des trucs musicaux, on va dire. Stars, Voilà, et qui est déjà presque un film sur le Londres à cette époque, quand les gens ils forniquent et ils se droguent à tout va. Et c'est presque même un film sur Mick Jagger à l'avance. Et il avait déjà aussi fait Walkabout, en 70, qui est avec deux jeunes qui sont perdus dans le désert australien, avec un aborigène qui va devenir leur ami, alors qu'ils parlent pas du tout la même langue, donc ils vont essayer de communiquer et tout ça. Et... Donc quand tu vois sa carrière à Nicolas Roeg, et quand tu vois qu'il fait ce film avec Bowie, c'est vraiment c'est un cadeau tombé du ciel pour lui. Quoi. C'est pas l'homme tombé du ciel, c'est l'alien tombé du ciel qu'on voit sur un plateau. Grave. Donc alors, ton avis, là, ton avis sur le film, en fait, en gros, qu'est-ce que t'en penses? Parce que bon, quand même, Roeg, ça vend du rêve, quoi. C'est du Roeg One. Ouais, regarde. Il a osé. Il a osé. Écoute, même quand on est qu'on n'est pas habitué à Bowie, qu'on n'est pas habitué au cinéma de Roeg, ça reste un ovni, mais c'est le genre de film qu'il faut le voir, parce que, justement, comment filmer un extraterrestre qui serait perdu, qui est un humanoïde, en ayant conscience que c'est pas non plus un gros budget limité, hein, c'est déjà assez installé pendant à la base, mais comme il connaît les ficelles du métier, qui est même déjà assez bon technicien à la base, il va arriver à faire un truc pour que chaque instant tu sens à chaque fois l'étrangeté, le mec qui est perdu, qui est isolé sur cette planète et qui a un but. Alors ça se ressent dans les cadres, quand tu vois, dès le début du film, notre alien entre question qui dévale une grande mine de charbon noir, c'est déjà presque un paysage extraterrestre, tu te dis, waouh, c'est presque l'Islande. Bah non, c'est des mines de charbon en Amérique perdues. C'est juste que le mec il s'est filmé, donc t'as l'impression c'est complètement décalé du temps. En même temps, très souvent, les films de chef-op, c'est pas, y a pas des masses de films de chef-op qui sont assez... Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, hein, je parle de ce que j'ai vu, bien entendu, pas des masses de films qui sont terribles, quoi. C'est vrai. Non. Voilà. Des noms. Bah, comment s'appelle John F. Leonetti, Mortal Kombat 2. le chef-op de commando, quoi. Voilà, mais en fait, tu soulignes un truc intéressant, c'est qu'il y a pas mal peut-être de chef-op qui doivent accepter des commandes, trucs à la noix. Ouais. Alors que Nicolas Roeg, dès ses premiers films, tu sens qu'il y a une personnalité, il y a un mec qui veut faire du cinéma, qui a ses propres idées de montage, de mise en scène, et qui va faire un nom. Qui est effectivement maintenant un cinéaste reconnu, qui a vraiment un style à part. Ouais. Donc tout ça. Et il y a un fait intéressant, on associe souvent les musiciens avec les films en se disant « Ouais, il a composé un titre, il a fait la BO, etc. » Et ben pas forcément. Tu regardes Electroma, il n'y a aucune musique des Daft Punk dedans. L'homme qui venait d'ailleurs, t'auras aucun morceau de Bowie dedans. D'accord. Il y a de la bonne musique et des très bons trucs, mais je ne sais pas si c'est la volonté de Roeg ou de Bowie, mais il n'y a rien de l'un ou de l'autre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les deux univers se nourrissent, le cinéma et la musique, parce que à la même époque, Bowie va sortir des disques comme Station to Station, juste après Law, la trilogie Law, Heroes et Lodger. Ouais. Et l'affiche, le visuel de Law, c'est une image du film. Pareil pour Station to Station, c'est une image de l'homme qui vient d'ailleurs, parce que c'est tourné en même temps. Et la musique, elle devient très froide à ce moment-là, etc. Tu te demandes, c'est même pas le... Évidemment, Bowie déprimé. Mais c'est pas aussi le film qui lui a donné un peu cette idée de faire quelque chose de différent, tout ça. Donc voilà. Voilà pour clore sur ce film qui est un film culte et que tout cinéphile peut regarder. Je conseille. C'est accessible. C'est accessible, oui. C'est ça qui est intéressant. T'as toujours l'impression d'être complètement paumé quand tu vois le film, t'es complètement à l'ouest, parce que c'est un film qui fait exprès justement de mettre hors de zone de confort. C'est le but. Qu'est-ce que ressentir un extraterrestre sur Terre? C'est exprès. Et voilà, c'est le but recherché. Et c'est pour ça qu'il faut le voir. Bah, c'est une carrière assez riche, quoi. On a cité les films principaux, ou du moins une partie des films principaux. Il a aussi joué par exemple sur Johnny Landis dans Into the Night et dans d'autres films qui sont peut-être encore moins connus. Mais ce qu'on peut en tirer, c'est que c'est quand même une carrière où il a souvent joué des rôles assez ambigus et il s'en sort très très bien. Parce qu'on connaît surtout Bowie en tant que chanteur, mais le Bowie acteur, même s'il est plus connu pour les cinéphiles et d'autres personnes, je pense que ça reste quand même une inconnue pour le grand public, quoi. Ouais. Et finalement, ce qu'on doit en tirer, c'est que... Bah, il est aussi à l'aise dans un cas comme dans l'autre, quoi, Bowie, quoi. C'est la force d'un grand acteur, comme on avait dit, et pas ce qu'on peut dire d'autre, quoi. C'était un grand, tous les niveaux. Bah, moi, je dois dire que, de toute façon, il a eu du temps pour composer ses personnages. Il a eu du temps... C'était intimement lié à lui. C'était intimement lié à lui, et quelque part, après, on a essayé de lui rendre hommage la plupart du temps dans des trucs. Il y a des films qui essayent de rendre hommage aux personnages que jouait. Oui, il y a Velvet Goldmine par exemple. Il y a le personnage aussi dans le deuxième épisode de Tron, qui est une espèce de Ziggy Stardust Eco Plus. Pas forcément réussi. Bah, pas forcément réussi, mais qui est, c'est intéressant, si tu veux. C'est-à-dire que ça a marqué les consciences, les personnages de Bowie. Et Bowie, lui, par contre, Alors je me souviens, il y avait cette pub qui était passée il y a quelques années où il rencontrait ces personnages de... C'est la pub pour Vittel qui date de 2003-2004, au moment justement où Bowie commence à s'éloigner un petit peu de... Voilà. Ouais. Et cette pub, bon, évidemment, je suis fan de Bowie, donc je manque d'objectivité. Mais avec du recul, elle reste encore très bien parce que ça te permet de voir tous ses rôles à l'écran condensés presque en une minute. Et avec une chanson de Bowie à la clé, quoi, ouais, qui sur l'album de l'époque. Donc... quelque part, ça a beaucoup marqué les gens, mais il a eu tout ce temps pour monter tous ces personnages qu'on fait sa légende. Et au cinéma, du coup, ça lui a laissé un peu les mains libres pour pouvoir créer d'autres trucs, tu vois, donc, soit dans les Prédateurs ou dans le film de 66, comment il s'appelle déjà? L'homme qui venait d'ailleurs. L'homme qui venait d'ailleurs. Très beau titre sur VO. Le seul, en réalité, le seul moment où il n'est pas un personnage, c'est dans Zoolander ou dans le truc. Où il y avait la comédie, El Cato nous avait parlé d'une comédie de 1991, où il figure dedans, c'est quoi déjà? Absolute Beginners, non? Comédie musicale un peu. Non, je ne faisais pas ça. Non, non, pas une comédie. Je sais pas quoi là. Ah, The Linkwilly Incident, qui est une comédie romantique. Voilà. A priori, voilà, donc... David Bowie a fait une comédie romantique. Voilà. Bah écoute, il aura touché à tout. Mais non, par contre, moi j'ai l'impression que en fait, quand tu fais appel à Bowie dans un film, c'est parce que tu voulais un personnage qui ait une certaine prestance, qui ait une certaine classe, qui ait une certaine élégance, mais qui en même temps puisse s'adapter au ton du film. Ouais. C'est ça qui était plutôt bien avec lui, c'est-à-dire qu'en fait, il était capable de s'apporter lui-même tout en s'adaptant à l'histoire, à l'ambiance du film. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste. Tu vois, par exemple, tu le vois dans Zoolander, il joue lui-même, même temps, il joue lui-même sur un ton comique. C'est ça. Et donc, ouais, c'est quand même assez dur. C'est-à-dire, juste avoir un mec qui ne dise pas, bon, bah, de toute façon, moi, j'ai juste moi à faire. Non, il s'adapte, en fait. Ouais. Donc, et ça, c'est pas mal. Et c'est vrai que du coup. Il avait un jeu tout en subtilité, et ce qui fait que du coup il s'adapte très facilement au film, et ça devait être un acteur très facile à travailler finalement. Mais du coup, comme il y a un projet de biopic qui est apparemment sur les rails, quand on connaît toute la complexité de Bowie, à la fois son parcours musical et du coup maintenant son parcours d'acteur pour les films, on peut se demander vraiment si ça va pas être une pression en plus qui vont s'imposer le studio et les acteurs, sachant qu'il y a beaucoup de pression, même pour les fans, etc. Là, ça se concentre sur une partie du truc, hein, partie de sa vie, donc ça va aller, je pense. C'est moi ce qui m'inquiète justement, c'est qu'on aborde une partie de sa vie, alors que si tu veux faire un vrai biopic, autant ça sera pas très nuancé. Autant de faire un film du coup qui dure presque 3 heures, presque à la Terrence Malick, avec des ellipses et d'autres trucs, la mise en scène, mais qui au moins qui survolerait plein de parties, etc., qui aurait l'avantage. Le problème, c'est qu'il faut que ça reste quand même accessible aux gens, et tu vois. Voilà, mais entre le best-of Wikipédia ou d'autres trucs, c'est sûr qu'on va pas nous refaire. Moi, j'espère juste qu'ils vont pas nous refaire. Bohemian Rhapsody. Voilà, Bohemian Rhapsody qui pour moi était une catastrophe, et qui vont essayer plutôt de faire un truc. Un peu comme The Commitment. Commitment, c'est presque un groupe de punk, etc., mais la sorte comédie sociale britannique. Ouais, voilà, c'est bien génial. Tu comprends bien que quand ils ont fait James Brown par exemple, ça a été une catastrophe. Quoi. Oui. Voilà, et qui l'a vu? Moi, ce sera le mot de la fin. Qui l'a vu? C'est vrai. Allez savoir s'ils vont le voir. Avec Bowie, tout le monde va le voir. Enfin, beaucoup de gens vont le voir. Allez savoir, hein, parce que bon, James Brown, normalement, était censé être quelqu'un de connu. Ben oui, c'était un. Et pourtant, ça a été un sacré flop. Star mondial, quoi. Voilà. Bon, alors, El Cato, conclusion. Si tu fais pas un. Bon, allez, salut, à la prochaine. Allez, salut! À la prochaine! Au revoir!